les yeux d'une souffrance, les mots. Les mots parfois sont trop fragiles pour atténuer la douleur d'un humain. Les mots causés par l'espèce humaine sur mes négros avaient tout d'inhumain. Des jeux la perte de vue ornent nos villes et prennent des momos femmes qui prennent des momos villes qui sur le tas prend que son enfant est pédo. Trop de crimes sont chaque soir annoncés par nos charmantes speakerines. Trop de putains string traînent dans la boue, le désarroi des proches des victimes. La mort d'un être à leurs yeux n'est qu'un cliché dans un article. Depuis le jour de la conception, trop d'hommes se noient dans l'Antarctique. Je vous accorde de trop prendre à cœur ceux qui chaque jour accentuent ma colère. Des flots de larmes affluent des collines pendant que la coque s'enfuit des ailes scolaires. J'ai vu la déchéance humaine et j'ai toujours pas parlé aux chevaux. J'ai vu les pervers sens de la haine dans la froideur qui réchauffe mes caniveaux. Les mots ne guérissent point les plaies internes qui chaque jour me dévident de l'amour. Martèle mon encéphale, augmentant ma rage, me submergeant dans l'amour. Les mots parfois m'inquiètent, les mots parfois m'écœurent, les mots parfois m'écartent. Mais à la barre, c'est toujours les mêmes qui t'acquittent. Nos chiens n'ont droit qu'à des miettes et loin en cup pour que de peuple. Allons périple dans l'amertume lorsque l'État sabote le peuple. Les guerres fleurissent en Afrique, l'ONU accumule les pourparlers pendant que se noient dans des mares de sang des milliers de gens sur un fond de Bob Marley. Quand le massacre des otages, on détenait au fin fond des Philippines. Aimerais-tu réentendre les cris d'une fillette qui fuit l'assaut d'un Viet Minh lorsque le diable toque à ta porte? Aucune incantation ne peut l'enchanter. Seul les corps éventrés d'âmes perdues se contenteront de contrer les contraintes qui entraînent une vie à faire d'un père l'amant de sa fille. Les mots parfois sont atrophiés par ce mal de vivre que ressent sa fille. Les mots sont ces rafales de baffes posées sur la gueule de Martine par un mari aimant. L'amour est un des alibis les plus recensés chez les locataires de la masse. Je m'entête chaque jour à combattre l'idée de finir martyr. Mais que peut-on faire face à l'injustice de l'accroissement des naissances carcérales? Allez, on se retrouvera tous un jour devant une d'œuf chez mots. Les yeux fermés dans la pénombre, sache que fermer le poing ne résout point les mots. Lorsque le désespoir nous noie dans l'euphorie qu'est l'alcool et que nos mômes sous tutelle réprimandent l'absentéisme d'un père puéril, j'affirme en ce cas être victime d'un complot et que la mondialisation n'est qu'une excuse face à l'atrocité qu'est la vie sur ce monde. La nicotine s'empare de victimes plus en plus jeunes pendant que Donald Trump confectionne des gènes qu'on expérimente plus sur l'animal. Regardez mots du sida, on est passé à l'Ebola. De la vache folle, je crains la fièvre de Dolly. Croit-il réellement que distribuer des seringues sauvera des vies? Devrais-je rester de marbre face à l'implication du corps médical dans ces overdoses? Les mots sont ceux qu'on censure pour que la lumière ne soit plus, ce qui condamne nos mères à augmenter le chiffre d'affaires de Franprix. Je pense que c'est un sale temps pour un coup de foutre. À défaut d'assumer ta paternité, tu condamnes ta compagne à l'IVG. Pourtant, je t'avouerai que j'ai beaucoup de peine pour tous ces fœtus et un immense respect pour le courage de ces mères enfants qui se précipitèrent sur la bite. Comme quoi l'erreur est humaine, négro. Et qu'il y a des problèmes bien plus pesants que ces arrestations dans mes ruelles. Il est vrai que je ne peux rester indifférent face à ces bavures et que le sang de colmate point les blessures qu'est l'infamie d'un avocat. Les mots sont ces injures qui offusquent tes parents dans un palais de justice. Mais qu'y a-t-il de juste dans le jugement d'un juge d'extrême droite? Sais-tu combien les miens font les 100 pas dans les milieux de Fleury? Combien d'entre eux étant aimés se taper à chaque dîner un rose bif? Nos cages d'escalier se transforment en habitat. Les jeunes délaissent leur toit familial pour connaître l'aventure. Comme beaucoup d'entre eux, je tente de fuir tous ces coups fourrés et férus de connaissances. Je combats mes ennemis comme je le peux. Mes mots se déclenchèrent dans le fracas des chiennes et ne trouveront point le repos avant que le soleil n'ait atteint son zénith. Dans ma zone, le rouge ronge la rage, négro. Ma solitude n'a d'égal que ma naïveté. On me reproche de pas assez m'intéresser aux troupes qui perturbent mon horizon. Mais le verbe bûche chez moi eut sur moi l'effet d'une bombe dans les rues de Belfast. Pourvu que le ciel ne me tombe pas sur la tête et qu'on ne me compte pas parmi les auteurs d'œuvres apologiques instables. Mes origines me condamnent donc à porter le lourd fardeau qu'est la souffrance pendant que l'oppresseur, fils de dictateur, dort la pilule dans le sud de la France. Ma rage n'a d'égal que l'amplitude terrestre qu'ont les mots. Si j'avais pu, négro, de mes mains j'aurais tué Mo. En plein cœur de ma majorité, je le reproche ses sales rôles et ne comprends point l'interdiction du port du foulard dans leur école. J'ai une fois de plus une pensée légitime pour ceux qui meurent dans les cales. Des déportés d'Afrique aux survivants du Népal. Mes mots sont le gangbang d'une sœur qui monte avec 6 mecs dans une chambre. Te rappelles-tu, négro, de ces chaudes soirées de décembre où la pudeur n'a plus lieu d'être chez ces ecclésiastes friands de mineurs? Où le problème majeur ne fut plus toutes ces jambes de mots arrachées par des mines. Mes mots sont indicibles et leur est illisible. Toutes ces âmes criblées par le dégoût ont dû passer des larmes horribles. Mes mots sont ce corps au pied qui m'oblige à me racheter tous les 6 mois une nouvelle paire de pompes. Pendant que s'estompent dans l'abîme les sourires des pères du baby boom, j'ai l'intime conviction que les aveugles sont heureux de l'être moins que nous et que mes rêves se réalisent. Il n'y a rien de mal à ce qu'un homme prenne du plaisir dans son travail. Moi-même, je ne rejette pas mon désir de retourner chaque péché contre son pécheur. Attends une minute, là. T'as tué que des gens innocents jusqu'à maintenant. Innocent? C'est supposé être drôle. Un obèse, répugnant. Une créature qui pouvait à peine se tenir debout. Si vous l'aviez croisé dans la rue, vous l'auriez montré à vos amis et vous vous seriez tous moqués de lui. Si vous l'aviez vu pendant que vous mangiez, vous n'auriez pas pu terminer votre repas. Après lui, je suis passé à l'avocat. Vous avez dû secrètement me remercier de m'en être occupé. Cet homme a consacré sa vie à faire de l'argent en mentant. Il a menti pour assouvir son vice. Grâce à lui, les violeurs et les meurtriers courent les rues. Les meurtriers? Une femme. Les meurtriers comme toi? Une femme! Si laide intérieurement qu'elle ne pouvait pas supporter de vivre si elle n'était pas belle extérieurement. Un dealer de drogue, un dealer et pédéraste de surcroît. Sans oublier la prostituée qui transmet autour d'elle les maladies. Il n'y a que dans un monde aussi dégénéré qu'on peut dire la tête haute que ces rebuts étaient de pauvres innocents. Voilà où je veux en venir.